Lisbeth était venue annoncer à la famille la bonne nouvelle. Adeline et Hortense savaient déjà que le baron, ne voulant pas se déshonorer aux yeux de toute l'administration en nommant Marneffe chef de bureau, serait congédié par ce mari devenu ulophobe. Aussi l'heureuse Adeline avait-elle commandé son dîner de manière que son Hector le trouvât meilleur que chez Valérie, et la dévouée Lisbeth aida Mariette à obtenir ce difficile résultat. La cousine Bette était à l'état d'idole. La mère et la fille lui baisèrent les mains et lui avaient appris avec une joie touchante que le maréchal consentait à faire d'elle sa ménagère. Et de là, ma chère, à devenir sa femme, il n'y a qu'un pas, dit Adeline. Enfin, il n'a pas dit non quand Victorin lui en a parlé, ajouta la comtesse de Steinbock. Le baron fut accueilli dans sa famille avec des témoignages d'affection si gracieux, si touchants et où débordait tant d'amour, qu'il fut obligé de dissimuler son chagrin. Le maréchal vint dîner. Après le dîner, Hulot ne s'en alla pas. Victorin et sa femme vinrent. On fit un whist. « Il y a longtemps, Hector, dit gravement le maréchal, que tu ne nous as donné pareille soirée. » Ce mot chez le vieux soldat, qui gâtait son frère et qui le blâmait implicitement ainsi, fit une impression profonde. On y reconnut les larges et longues lésions d'un cœur où toutes les douleurs devinées avaient eu leur écho.